Section 15 de 93 par Victor Hugo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Troisième partie, livre quatrième, chapitre 9. Titan contre géant. Cela fut en effet épouvantable. Ce corps à corps dépassa tout ce qu'on avait pu rêver. Pour trouver quelque chose de pareil, il faudrait remonter au grand duel d'Eschyle ou aux antiques tueries féodales, à ces attaques à armes courtes qui ont duré jusqu'au XVIIe siècle, quand on pénétrait dans les places fortes par les fausses braies. Assaut tragique, où dit le vieux sergent de la province d'Alentejo, les fourneaux ayant fait leur effet, les asquégeants s'avanceront portant des planches couvertes de lames de fer blanc, armées de rondaches et de mantelets, et fournies de quantités de grenades, faisant abandonner le retranchement ou retirade à ceux de la place, et s'en rendront maîtres, poussant vigoureusement les assiégés. Le lieu d'attaque était horrible. C'était une de ces brèches qu'on appelle en langue du métier « brèche sous voûte », c'est-à-dire, on se le rappelle, une crevasse traversant le mur de part en part, et non une fracture évasée à ciel ouvert. La poudre avait agi comme une vrille. L'effet de la mine avait été si violent que la tour avait été fendue par l'explosion à plus de 40 pieds au-dessus du fourneau, mais ce n'était qu'une lézarde, et la déchirure praticable, qui servait de brèche et donnait entrée dans la salle basse, ressemblait plutôt au coup de lance qui perce qu'au coup de hache qui entaille. C'était une ponction au flanc de la tour, une longue fracture pénétrante, quelque chose comme un puits couché à terre, un couloir serpentant et montant comme un intestin à travers une muraille de 15 pieds d'épaisseur. On ne sait quel informe cylindre encombré d'obstacles, de pièges, d'explosions, où l'on se heurtait le front au granit, les pieds au gravat, les yeux aux ténèbres. Les assaillants avaient devant eux ce porche noir, bouche de gouffre ayant pour mâchoire, en bas et en haut, toutes les pierres de la muraille déchiquetées. Une gueule de requin n'a pas plus de dents que cet arrachement effroyable. Il fallait entrer dans ce trou et en sortir. Dedans éclatait la mitraille. Dehors se dressait la retirade. Dehors, c'est-à-dire dans la salle basse du rez-de-chaussée. Les rencontres de sapeurs dans les galeries couvertes, quand la contre-mine vient couper la mine, les boucheries à la hache sous les entrepôts des vaisseaux qui s'abordent dans les batailles navales ont seules cette férocité. Se battre au fond d'une fosse, c'est le dernier degré de l'horreur. Il est affreux de s'entretuer avec un plafond sur la tête. Au moment où le premier flot des assiégeants entra, toute la retirade se couvrit d'éclairs. Et ce fut quelque chose comme la foudre éclatant sous terre. Le tonnerre assaillant répliqua au tonnerre embusqué. Les détonations se ripostèrent. Le cri de Gauvin s'éleva. « Fonçons !» Puis le cri de Lantenac. « Faites ferme contre l'ennemi !» Puis le cri de Limanus. « À moi, les méniaux !» Puis des cliquetis, sabre contre sabre, et, coup sur coup, d'effroyables décharges tuant tout. La torche, accrochée au mur, éclairait vaguement toute cette épouvante. Impossible de rien distinguer. On était dans une noirceur rougeâtre. Qui entrait là était subitement sourd et aveugle. Sourd du bruit, aveugle de la fumée. Les hommes, mis hors de combat, gisaient parmi les décombres. On marchait sur des cadavres, on écrasait des plaies, on broyait des membres cassés, d'où sortaient des hurlements. On avait les pieds mordus par des mourants. Par instant, il y avait des silences plus hideux que le bruit. On se coltait, on entendait l'effrayant souffle des bouches, puis des grincements, des râles, des imprécations, et le tonnerre recommençait. Un ruisseau de sang sortait de la tour par la brèche et se répandait dans l'ombre. Cette flaque sombre fumait dehors dans l'herbe. On eût dit que c'était la tour elle-même qui saignait et que la géante était blessée. Chose surprenante, cela ne faisait presque pas de bruit dehors. La nuit était très noire et, dans la plaine et dans la forêt, il y avait autour de la forteresse attaquée une sorte de paix funèbre. Dedans c'était l'enfer, dehors c'était le sépulcre. Ce choc d'hommes s'exterminant dans les ténèbres, ces mousqueteries, ces clameurs, ces rages, tout ce tumulte expirait sous la masse des murs et des voûtes. L'air manquait au bruit, et au carnage s'ajoutait l'étouffement. Hors de la tour, cela s'entendait à peine. Les petits enfants dormaient pendant ce temps-là. L'acharnement augmentait. La retirade tenait bon. Rien de plus malaisé à forcer que ce genre de barricade en chevron rentrant. Si les assiégés avaient contre le nombre, ils avaient pour eux la position. La colonne d'attaque perdait beaucoup de monde. Alignée et allongée dehors au pied de la tour, elle s'enfonçait lentement dans l'ouverture de la brèche et se raccourcissait comme une couleuvre qui entre dans son trou. Gauvin, qui avait des imprudences de jeune chef, était dans la salle basse au plus fort de la mêlée, avec toute la mitraille autour de lui. Ajoutons qu'il avait la confiance de l'homme qui n'a jamais été blessé. Comme il se retournait pour donner un ordre, une lueur de mousqueterie éclaira un visage tout près de lui. « Simourdin ! » s'écria-t-il. « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?» C'était Simourdin, en effet. Simourdin répondit. « Je viens être près de toi. Mais vous allez vous faire tuer. « Eh bien, toi, qu'est-ce que tu fais donc ?»« Mais je suis nécessaire ici, vous pas. Puisque tu y es, il faut que j'y sois. »« Non, mon maître, si, mon enfant. » Et Simourdin resta près de Gauvin. Les morts s'entassaient sur les pavés de la salle basse. Bien que la retirade ne fût pas forcée encore, le nombre évidemment devait finir par vaincre. Les assaillants étaient à découvert et les assaillis étaient à l'abri. 10 assiégeants tombaient contre un assiégé. Mais les assiégeants se renouvelaient. Les assiégeants croissaient et les assiégés décroissaient. Les 19 assiégés étaient tous derrière la retirade, l'attaque étant là. Ils avaient des morts et des blessés. 15 tout au plus combattaient encore. Un des plus farouches, chante en hiver, avait été affreusement mutilé. C'était un Breton trapu et crépu, de l'espèce petite et vivace. Il avait un œil crevé et la mâchoire brisée. Il pouvait encore marcher. Il se traîna dans l'escalier en spirale et monta dans la chambre du premier étage, espérant pouvoir la prier et mourir. Il s'était adossé au mur près de la meurtrière pour tâcher de respirer un peu. En bas, la boucherie devant la retirade était de plus en plus horrible. Dans une intermittence, entre deux décharges, Simourdin éleva la voix. « Assiégé ! » cria-t-il. « Pourquoi faire couler le sang plus longtemps ? Vous êtes pris, rendez-vous ! Songez que nous sommes 4500 contre 19, c'est-à-dire plus de 200 contre 1, rendez-vous ! Cessons ce marivaudage, répondit le marquis de Lantenac. Et 20 balles ripostèrent à Simourdin. La retirade ne montait pas jusqu'à la voûte. Cela permettait aux assiégés de tirer par-dessus, mais cela permettait aux assiégeants de l'escalader. « L'assaut à la retirade ! » cria Gauvin. « Y a-t-il quelqu'un de bonne volonté pour escalader la retirade ?»« Moi !» dit le sergent Radoub. Chapitre 10. Radoub. Ici, les assaillants eurent une stupeur. Radoub était entré par le trou de brèche, à la tête de la colonne d'attaque, lui, 6e, et sur ses 6 hommes du bataillon parisien, 4 étaient déjà tombés. Après qu'il eut jeté ce cri « Moi !» on le vit, non avancé, mais reculé, et baissé, courbé, rampant presque entre les jambes des combattants, regagner l'ouverture de la brèche et sortir. Était-ce une fuite ? Un tel homme fuir ? Qu'est-ce que cela voulait dire ? Arrivé hors de la brèche, Radoub, encore aveuglé par la fumée, se frotta les yeux comme pour en ôter l'horreur et la nuit, et, à la lueur des étoiles, regarda la muraille de la tour. Il fit ce signe de tête satisfait qui veut dire « Je ne m'étais pas trompé !» Radoub avait remarqué que la lézarde profonde de l'explosion de la mine montait au-dessus de la brèche jusqu'à cette meurtrière du premier étage, dont un boulet avait défoncé et disloqué l'armature de fer. Le réseau des bâtons rompus pendait à demi arraché, et un homme pouvait passer. Un homme pouvait passer, mais un homme pouvait-il monter ? Par la lézarde, oui, à la condition d'être un chat. C'est ce qu'était Radoub. Il était de cette race que Pindare appelle les athlètes agiles. On peut être vieux soldat et homme jeune. Radoub, qui avait été garde française, n'avait pas 40 ans. C'était un Hercule leste. Radoub posa à terre son mousqueton, ôta sa buffleterie, quitta son habit et sa veste, et ne garda que ses 2 pistolets qu'il mit dans la ceinture de son pantalon, et son sabre nu qu'il prit entre ses dents. La crosse des 2 pistolets passait au-dessus de sa ceinture. Ainsi allégé de l'inutile, et suivi des yeux dans l'obscurité par tous ceux de la colonne d'attaque qui n'étaient pas encore entrés dans la brèche, il se mit à gravir les pierres de la lézarde du mur, comme les marches d'un escalier. N'avoir pas de souliers lui fut utile. Rien ne grimpe comme un pied nu. Il crispait ses orteils dans les trous des pierres. Il se hissait avec ses poings et s'affermissait avec ses genoux. La montée était rude. C'était quelque chose comme une ascension le long des dents d'une scie. Heureusement, pensait-il, qu'il n'y a personne dans la chambre du premier étage, car on ne laisserait pas escalader ainsi. Il n'avait pas moins de 40 pieds à gravir de cette façon. À mesure qu'il montait, un peu gêné par les pommeaux saillants de ses pistolets, la lézarde allait se rétrécissant et l'ascension devenait de plus en plus difficile. Le risque de la chute augmentait en même temps que la profondeur du précipice. Enfin, il parvint au rebord de la meurtrière. Il écarta le grillage tordu et descellé. Il avait largement de quoi passer. Il se souleva d'un effort puissant, appuya son genou sur la corniche de rebord, saisit d'une main un tronçon de barreau à droite, de l'autre main un tronçon à gauche, et se tressa jusqu'à mi-corps devant l'embrasure de la meurtrière, le sabre aux dents, suspendu par ses deux poings sur l'abîme. Il n'avait plus qu'une enjambée à faire pour sauter dans la salle du premier étage. Mais une face apparut dans la meurtrière. Radoup vit brusquement devant lui, dans l'ombre, quelque chose d'effroyable. Un œil crevé, une mâchoire fracassée, un masque sanglant. Ce masque, qui n'avait plus qu'une prunelle, le regardait. Ce masque avait deux mains. Ses deux mains sortirent de l'ombre et s'avancèrent vers Radoub. L'une, d'une seule poignée, lui prit ses deux pistolets dans sa ceinture. L'autre lui ôta son sabre des dents. Radoub était désarmé. Son genou glissait sur le plan incliné de la corniche. Ses deux poings crispés au tronçon du grillage suffisaient à peine à le soutenir. Et il avait derrière lui 40 pieds de précipice. Ce masque et ses mains, c'était Chant en hiver. Chant en hiver, suffoqué par la fumée qui montait d'en bas, avait réussi à entrer dans l'embrasure de la meurtrière. Là, l'air extérieur l'avait ranimé. La fraîcheur de la nuit avait figé son sang, et il avait repris un peu de force. Tout à coup, il avait vu surgir au dehors, devant l'ouverture, le torse de Radoub. Alors Radoub, ayant les mains cramponnées au barreau, et n'ayant que le choix de se laisser tomber ou de se laisser désarmer, Chant en hiver, épouvantable et tranquille, lui avait cueilli ses pistolets à sa ceinture et son sabre entre les dents. Un duel inouï commença. Le duel du désarmé et du blessé. Évidemment, le vainqueur, c'était le mourant. Une balle suffisait pour jeter Radoub dans le gouffre béant sous ses pieds. Par bonheur pour Radoub, Chant en hiver ayant les deux pistolets dans une seule main, ne put en tirer un et fut forcé de se servir du sabre. Il porta un coup de pointe à l'épaule de Radoub. Ce coup de sabre blessa Radoub et le sauva. Radoub, sans armes, mais ayant toute sa force, dédaigna sa blessure qui d'ailleurs n'avait pas entamé l'os, fit un soubresaut en avant, lâcha les barreaux et bondit dans l'embrasure. Là, il se trouva face à face avec Chant en hiver, qui avait jeté le sabre derrière lui et qui tenait les deux pistolets dans ses deux poings. Chant en hiver, dressé sur ses genoux, ajusta Radoub, presque égoupportant, mais son bras affaibli tremblait et il ne tira pas tout de suite. Radoub profita de ce répit pour éclater de rire. « Dis donc, cria-t-il, vilain à voir, est-ce que tu crois me faire peur, avec ta gueule en bœuf à la mode ? Sapristi, comment t'as délabré le minois ?» Chant en hiver le visait. Radoub continua. « Ce n'est pas pour dire, mais tu as eu la gargoine joliment chiffonnée par la mitraille. Mon pauvre garçon, bel homme t'a fracassé la physionomie. Allons, allons, crache ton petit coup de pistolet, mon bonhomme !» Le coup partit et passa si près de la tête qu'il arracha à Radoub la moitié de l'oreille. Chant en hiver éleva l'autre bras, armé du second pistolet, mais Radoub ne lui laissa pas le temps de viser. « J'ai assez d'une oreille de moins, cria-t-il. Tu m'as blessé deux fois. À moi la belle !» Et il se roula sur Chant en hiver, lui rejeta le bras en l'air, fit partir le cou qui alla n'importe où, et lui saisit et lui mania sa mâchoire disloquée. Chant en hiver poussa un rugissement et s'évanouit. Radoub l'enjamba et le laissa dans l'embrasure. « Maintenant que je t'ai fait savoir mon ultimatum, dit-il, ne bouge plus. « Reste là, méchant traînataire. Tu penses bien que je ne vais pas à présent m'amuser à te massacrer. Rampe à ton aise sur le sol, concitoyen de mes savates. Meurs, c'est toujours ça de fait. C'est tout à l'heure que tu vas savoir que ton curé ne te disait que des bêtises. Va-t'en dans le grand mystère, paysan. » Et il sauta dans la salle du premier étage. « On y voit goutte, grommela-t-il. Chant en hiver s'agitait convulsivement et hurlait à travers l'agonie. Radoub se retourna. « Silence !» Fais-moi le plaisir de te taire, citoyen, sans le savoir. Je ne me mêle plus de ton affaire. Je méprise de t'achever. Fiche-moi la paix. Et, inquiet, il fourra son poing dans ses cheveux, tout en considérant Chant en hiver. Ah, ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon tout ça, mais me voilà désarmé. J'avais deux coups à tirer. Tu me les as gaspillés, animal. Et avec ça, une fumée qui vous fait aux yeux un mal de chien. Et rencontrant son oreille déchirée. Aïe! Dit-il. Et il reprit. « Tout allait bien avancé de m'avoir confisqué une oreille. Au fait, j'aime mieux avoir ça de moi qu'autre chose. Ça n'est guère qu'un ornement. Tu m'as aussi égratigné à l'épaule, mais ce n'est rien. Expire, villageois, je te pardonne. » Il écouta. Le bruit dans la salle basse était effrayant. Le combat était plus forcené que jamais. « Ça va bien en bas, c'est égal. Il gueule, vive le roi, il crève noblement. » Ses pieds cognèrent son sabre à terre. Il le ramassa, et il dit à Chant en hiver qui ne bougeait plus et qui était peut-être mort. « Vois-tu, homme des bois, pour ce que je voulais faire, mon sabre ou zut, c'est la même chose. Je le reprends par amitié, mais il me fallait mes pistolets. Que le diable t'emporte, sauvage. Ah, ça, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis bon à rien ici. » Il avança dans la salle, tâchant de voir et de s'orienter, tout à coup, dans la pénombre, derrière le pilier du milieu, il aperçut une longue table, et sur cette table quelque chose qui brillait vaguement. Il tâta. C'étaient des tromblons, des pistolets, des carabines, une rangée d'armes à feu disposées en ordre, et semblant n'attendre que des mains pour les saisir. C'était la réserve de combat préparée par les assiégés pour la deuxième phase de l'assaut. Tout un arsenal. Un buffet ! S'écria Radoub, et il se jeta dessus, ébloui. Alors il devint formidable. La porte de l'escalier, communiquant aux étages d'en haut et d'en bas, était visible, toute grande ouverte, à côté de la table chargée d'armes. Radoub laissa tomber son sabre, prit dans ses deux mains deux pistolets à deux coups, et les déchargea à la fois au hasard sous la porte, dans la spirale de l'escalier. Puis il saisit une espingole et la déchargea. Puis il empoigna un tromblon chargé de chevrotines et le déchargea. Le tromblon, vomissant 15 balles, sembla un coup de mitraille. Alors Radoub, reprenant haleine, cria d'une voix tonnante dans l'escalier « Vive Paris !» et s'emparant d'un deuxième tromblon plus gros que le premier, il le braqua sous la voûte tortueuse de la vis de Saint-Gilles et attendit. Le désarroi dans la salle basse fut indescriptible. Ces étonnements imprévus désagrègent la résistance. Deux des balles de la triple décharge de Radoub avaient porté. L'un avait tué l'aîné des frères Picambois, l'autre avait tué Houzard, qui était monsieur de Quélan. « Ils sont en haut !» cria le marquis. Ce cri détermina l'abandon de la retirade. Une volée d'oiseaux n'est pas plus vite en déroute, et ce fut à qui se précipiterait dans l'escalier. Le marquis encouragea cette fuite. « Faites vite !» disait-il. « Le courage est d'échapper. Montons tous au deuxième étage. Là, nous recommencerons. » Il quitta la retirade le dernier. Cette bravoure le sauva. Radoub, embusqué au haut du premier étage de l'escalier, le doigt sur la détente du tromblon, guettait la déroute. Les premiers qui apparurent au tournant de la spirale reçurent la décharge en pleine face et tombèrent foudroyés. Si le marquis en eût été, il était mort. Avant que Radoub eût eu le temps de saisir une nouvelle arme, les autres passèrent, le marquis après tous et plus lent que les autres. Ils croyaient la chambre du premier pleine d'assiégeants. Ils ne s'y arrêtèrent pas et gagnèrent la salle du second étage, la chambre des miroirs. C'est là qu'était la porte de fer, c'est là qu'était la mèche chouffrée, c'est là qu'il fallait capituler ou mourir. Gauvin, aussi surpris qu'eux-mêmes des détonations de l'escalier, et ne s'expliquant pas le secours qui lui arrivait, en avait profité, j'en cherchais à comprendre, avait sauté lui et les siens par-dessus la retirade, et avait poussé les assiégés, les péorins, jusqu'au premier étage. Là, il trouva Radoub. Radoub commença par le salut militaire et dit « Une minute, mon commandant, c'est moi qui ai fait ça, je me suis souvenu de Dole, j'ai fait comme vous, j'ai pris l'ennemi entre deux feux. Bon élève, dit Gauvin en souriant. » Quand on est un certain temps dans l'obscurité, les yeux finissent par se faire à l'ombre, comme ceux des oiseaux de nuit. Gauvin s'aperçut que Radoub était tout en sang. « Mais tu es blessé, camarade. Ne faites pas attention, mon commandant. Qu'est-ce que c'est que ça, une oreille de plus ou de moins? J'ai aussi un coup de sabre, je m'en fiche. Quand on casse un carreau, on s'y coupe toujours un peu. D'ailleurs, il n'y a pas que de mon sang. » On fit une sorte de halte dans la salle du premier étage, conquise par Radoub. On apporta une lanterne. Simourdin rejoignit Gauvin, ils délibérèrent. Il y avait lieu de réfléchir, en effet. Les assiégeants n'étaient pas dans le secret des assiégés. Ils ignoraient leur pénurie de munitions. Ils ne savaient pas que les défenseurs de la place étaient à court de poudre. Le deuxième étage était le dernier poste de résistance. Les assiégeants pouvaient croire l'escalier miné. Ce qui était certain, c'est que l'ennemi ne pouvait échapper. Ceux qui n'étaient pas morts étaient là, comme sous clé. Lantenac était dans la souricière. Avec cette certitude, on pouvait se donner un peu le temps de chercher le meilleur dénouement possible. On avait déjà bien des morts. Il fallait tâcher de ne pas perdre trop de monde dans ce dernier assaut. Le risque de cette suprême attaque serait grand. Il y aurait probablement un rude premier feu à essuyer. Le combat était interrompu. Les assiégeants, maîtres du rez-de-chaussée et du premier étage, attendaient, pour continuer, le commandement du chef. Gauvin et Simourdin tenaient conseil. Radoub assistait en silence à leur délibération. Il hasarda un nouveau salut militaire, timide. « Mon commandant, qu'est-ce, Radoub? Ai-je droit à une petite récompense? Certes, demande ce que tu voudras. Je demande à monter le premier. » On ne pouvait le lui refuser. D'ailleurs, il lui fait sans permission. Chapitre 11. Les désespérés. Pendant qu'on délibérait au premier étage, on se barricadait au second. Le succès est une fureur, la défaite est une rage. Les deux étages allaient se heurter éperdument. Toucher la victoire, c'est une ivresse. En bas, il y avait l'espérance, qui serait la plus grande des forces humaines, si le désespoir n'existait pas. Le désespoir était en haut. Un désespoir calme, froid, sinistre. En arrivant à cette salle de refuge, au-delà de laquelle il n'y avait rien pour eux, Le premier soin des assiégés fut de barrer l'entrée. Fermer la porte était inutile. Encombrer l'escalier valait mieux. En pareil cas, un obstacle à travers lequel on peut voir et combattre vaut mieux qu'une porte fermée. La torche plantée dans la torchère du mur par Limanus, près de la mèche chouffrée, les éclairait. Il y avait dans cette salle du second un de ces gros et lourds coffres de chêne, où l'on serrait les vêtements et le linge, avant l'invention des meubles à tiroirs. Ils traînèrent ce coffre et le dressèrent debout sous la porte de l'escalier. Ils s'y emboîtaient solidement et bouchaient l'entrée. Ils ne laissaient d'ouvert près de la voûte qu'un espace étroit, pouvant laisser passer un homme, et excellent pour tuer les assaillants un à un. Il était douteux qu'on s'y risquât. L'entrée obstrueuse leur donna un répit. Ils se comptèrent. Les 19 n'étaient plus que 7, dont Limanus. Excepté Limanus et le marquis, tous étaient blessés. Les 5 qui étaient blessés, mais très vivants, car dans la chaleur du combat, toute blessure qui n'est pas mortelle vous laisse aller et venir, étaient Chatonnet, dit Roby, Guinoiseau, Wassenaar Branche d'Or, Brin d'Amour et Grand Francœur. Tout le reste était mort. Ils n'avaient plus de munitions. Les gibernes étaient épuisés. Ils comptèrent les cartouches. Combien, à eux 7, avaient-ils de coups à tirer? 4. On était arrivé à ce moment où il n'y a plus qu'à tomber. On était acculé à l'escarpement. Béant et terrible. Il était difficile d'être plus près du bord. Cependant, l'attaque venait de recommencer. Mais lente et d'autant plus sûre. On entendait les coups de crosse des assiégeants, sonnant l'escalier, marche à marche. Nul moyen de fuir. Par la bibliothèque? Il y avait là, sur le plateau, 6 canons braqués, mèches allumées. Par les chambres d'en haut? À quoi bon? Elles aboutissaient à la plateforme. Là, on trouvait la ressource de se jeter du haut en bas de la tour. Les 7 survivants de cette bande épique se voyaient inexorablement enfermés et saisis par cette épaisse muraille qui les protégeait et qui les livrait. Ils n'étaient pas encore pris, mais ils étaient déjà prisonniers. Le marquis éleva la voix. « Mes amis, tout est fini. » Et après un silence, il ajouta. « Grand Francœur redevient l'abbé Turmeau. » Tous s'agenouillèrent, le rosaire à la main. Les coups de crosse des assaillants se rapprochaient. Grand Francœur, tout sanglant d'une balle qui lui avait effleuré le crâne et arraché le cuir chevelu, dressa de la main droite son crucifix. Le marquis, sceptique au fond, mit un genou en terre. « Que chacun, dit Grand Francœur, confesse ses fautes à haute voix. Monseigneur, parlez !» Le marquis répondit. « J'ai tué !»« J'ai tué !» dit Wassenaar. « J'ai tué !» dit Guinoiseau. « J'ai tué !» dit Brin d'Amour. « J'ai tué !» dit Chatenay. « J'ai tué !» dit Limanus. Et Grand Francœur reprit. « Au nom de la très sainte Trinité, je vous absous. Que vos âmes aillent en paix !»« Ainsi soit-il !» répondirent toutes les voix. Le marquis se releva. « Maintenant, dit-il, mourons !»« Et tuons !» dit Limanus. Les coups de crosse commençaient à ébranler le coffre qui barrait la porte. « Pensez à Dieu, dit le prêtre. La terre n'existe plus pour vous. »« Oui, reprit le marquis. Nous sommes dans la tombe. » Tous courbèrent le front et se frappèrent la poitrine. Le marquis seul et le prêtre étaient debout. Les yeux étaient fixés à terre. Le prêtre priait. Les paysans priaient. Le marquis songeait. Le coffre, battu comme par des marteaux, sonnait lugubrement. En ce moment, une voix vive et forte, éclatant brusquement derrière eux, cria « Je vous l'avais bien dit, monseigneur !» Toutes les têtes se retournèrent, stupéfaites. Un trou venait de s'ouvrir dans le mur. Une pierre, parfaitement rejointée avec les autres, mais non cimentée, et ayant un piton en haut et un piton en bas, venait de pivoter sur elle-même à la façon des tourniquets, et, en tournant, avait ouvert la muraille. La pierre ayant évolué sur son axe, l'ouverture était double, et offrait deux passages, l'un à droite, l'autre à gauche, et trois, mais suffisants pour laisser passer un homme. Au-delà de cette porte inattendue, on apercevait les premières marches d'un escalier en spirale. Une face d'homme apparaissait à l'ouverture. Le marquis reconnut Almalo. Chapitre 12. Sauveur. « C'est toi, Almalo ?»« Moi, monseigneur. Vous voyez que les pierres qui tournent, cela existe, et qu'on peut sortir d'ici. J'arrive à temps, mais faites vite. Dans 10 minutes, vous serez en pleine forêt. »« Dieu est grand, dit le prêtre. » « Sauvez-vous, monseigneur !» cria toutes les voix. « Vous tous d'abord !» dit le marquis. « Vous le premier, monseigneur !» dit l'abbé Turmeau. « Moi le dernier !» Et le marquis reprit, d'une voix sévère. « Pas de combat de générosité, nous n'avons pas le temps d'être magnanimes. Vous êtes blessé, je vous ordonne de vivre et de fuir, vite, et profitez de cette issue. Merci, Almalo. »« Monsieur le marquis !» dit l'abbé Turmeau. « Nous allons nous séparer ?»« En bas, sans doute. On ne s'échappe jamais qu'un à un. »« Monseigneur, nous assigne-t-il un rendez-vous ?»« Oui, une clairière dans la forêt. » La pierre Gauven. Connaissez-vous l'endroit? Nous le connaissons tous. J'y serai demain, à midi. Que tous ceux qui pourront marcher s'y trouvent. On y sera. et nous recommencerons la guerre, dit le marquis. Cependant, Almalo, en pesant sur la pierre tournante, venait de s'apercevoir qu'elle ne bougeait plus. L'ouverture ne pouvait plus se clore. « Monseigneur, dit-il, dépêchons-nous. La pierre résiste à présent. J'ai pu ouvrir le passage, mais je ne pourrai le fermer. » La pierre, en effet, après une longue désuétude, était comme ankylosée dans sa charnière. Impossible désormais de lui imprimer un mouvement. « Monseigneur, reprit Almalo, j'espérais refermer le passage et que les bleus, quand ils entreraient, ne trouveraient plus personne et n'y comprendraient rien. Ils vous croiraient en aller en fumée. Mais voilà la pierre qui ne veut pas. L'ennemi verra la sortie ouverte et pourra poursuivre. Au moins, ne perdons pas une minute. Vite, tous dans l'escalier !» Limanus posa la main sur l'épaule de Almalo. « Camarade, combien de temps faut-il pour qu'on sorte par cette passe et qu'on soit en sûreté dans la forêt ?»« Personne n'est blessé grièvement, » demanda Almalo. Ils répondirent. « Personne. En ce cas, un quart d'heure suffit. » Ainsi, repartit Limanus, si l'ennemi n'entrait ici que dans un quart d'heure, il pourrait nous poursuivre. Il ne nous atteindrait pas. « Mais, dit le marquis, ils seront ici dans 5 minutes. Ce vieux coffre n'est pas pour les gêner longtemps. Quelques coups de crosse en viendront à bout. Un quart d'heure? Qui est-ce qui les arrêtera un quart d'heure? Moi, dit Limanus. Toi, Gouge le Bruant? Moi, monseigneur, écoutez, sur 6, vous êtes 5 blessés. Moi, je n'ai pas une égratignure. Ni moi, dit le marquis. Vous êtes le chef, monseigneur, je suis le soldat. Le chef et le soldat, c'est 2. Je le sais, nous avons chacun un devoir différent. Non, monseigneur, nous avons, vous et moi, le même devoir, qui est de vous sauver. Limanus se tourna vers ses camarades. Camarades, il s'agit de tenir en échec l'ennemi et de retarder la poursuite le plus possible. Écoutez, j'ai toute ma force. Je n'ai pas perdu une goutte de sang. N'étant pas blessé, je durerai plus longtemps qu'un autre. Partez tous, laissez-moi vos armes, j'en ferai bon usage. Je me charge d'arrêter l'ennemi une bonne demi-heure. Combien y a-t-il de pistolets chargés? 4. Mettez-les là, à terre. On fit ce qu'il voulait. C'est bien, je reste. Ils trouveront à qui parler. Maintenant, vite, allez-vous-en. Les situations à pic suppriment les remerciements. À peine prit-on le temps de lui serrer la main. « À bientôt, lui dit le marquis. »« Non, monseigneur, j'espère que non, pas à bientôt, car je vais mourir. » Tous s'engagèrent l'un après l'autre dans les 3 escaliers, les blessés d'abord. Pendant qu'ils descendaient, le marquis prit le crayon de son carnet de poche et écrivit quelques mots sur la pierre qui ne pouvait plus tourner et qui laissait le passage béant. « Venez, monseigneur, il n'y a plus que vous, » dit Almalo. Et Almalo commença à descendre. Le marquis le suivit. Limanus resta seul. Chapitre 13. Bourreau. Les 4 pistolets chargés avaient été posés sur les dalles, car cette salle n'avait pas de plancher. Limanus en prit 2, un dans chaque main. Il s'avança obliquement vers l'entrée de l'escalier que le coffre obstruait et masquait. Les assaillants craignaient évidemment quelques surprises. Une de ces explosions finales qui sont la catastrophe du vainqueur, en même temps que celle du vaincu. Autant la première attaque avait été impétueuse, autant la dernière était lente et prudente. Ils n'avaient pas pu, ils n'avaient pas voulu peut-être, enfoncer violemment le coffre. Ils en avaient démoli le fond à coups de crosse et troué le couvercle à coups de baïonnette. Et par ces trous, ils tâchaient de voir dans la salle avant de se risquer à y pénétrer. La lueur des lanternes, dont ils éclairaient l'escalier, passait à travers ces trous. Limanus aperçut à un de ces trous une de ses prunelles qui regardait. Il ajusta brusquement à ce trou le canon d'un de ses pistolets et pressa la détente. Le coup partit et Limanus, joyeux, entendit un cri horrible. La balle avait crevé l'œil et traversé la tête, et le soldat qui regardait venait de tomber dans l'escalier, à la renverse. Les assaillants avaient entamé assez largement le bas du couvercle en 2 endroits, et y avaient pratiqué 2 espèces de meurtrières. Limanus profita de l'une de ses entailles, y passa le bras, et lâcha au hasard dans le tas des assiégeants son 2e coup de pistolet. La balle ricocha probablement, car on entendit plusieurs cris, comme si 3 ou 4 étaient tués ou blessés. Et il se fit dans l'escalier un grand tumulte d'hommes qui lâchent pied et qui reculent. Limanus jeta les 2 pistolets qu'il venait de décharger et prit les 2 qui restaient. Puis, les 2 pistolets à ses 2 poings, il regarda par les trous du coffre. Il constata le premier effet produit. Les assaillants avaient redescendu l'escalier. Des mourants se tordaient sur les marches. Le tournant de la spirale ne laissait voir que 3 ou 4 degrés. Limanus attendit. C'est du temps de gagner, pensait-il. Cependant, il vit un homme à plat ventre monter en rampant les marches de l'escalier, et en même temps, plus bas, une tête de soldat apparut derrière le pilier central de la spirale. Limanus visa cette tête et tira. Il y eut un cri, le soldat tomba, et Limanus fit passer de sa main gauche à sa main droite le dernier pistolet chargé qui lui restait. En ce moment-là, il sentit une affreuse douleur, et ce fut lui qui, à son tour, jeta un hurlement. Un sabre lui fouillait les entrailles. Un poing, le poing de l'homme qui rampait, venait de passer à travers la deuxième meurtrière du bas du coffre et ce point avait plongé un sabre dans le ventre de Limanus. La blessure était effroyable. Le ventre était fendu de part en part. Limanus ne tomba pas. Il grinça des dents et dit « C'est bon !» Puis, chancelant et se traînant, il recula jusqu'à la torche qui brûlait à côté de la porte de fer. Il posa son pistolet à terre et empoigna la torche. Et, soutenant de la main gauche les intestins qui sortaient, de la main droite, il abaissa la torche et mit le feu à la mèche soufrée. Le feu prit. La mèche flamba. Limanus lâcha la torche qui continua de brûler à terre, ressaisit son pistolet et, tombé sur la dalle, mais se soulevant encore, attisa la mèche du peu de souffle qui lui restait. La flamme courut, passa sous la porte de fer et gagna le pont Châtelet. Alors, voyant son exécrable réussite, plus satisfait peut-être de son crime que de sa vertu, cet homme qui venait d'être un héros et qui n'était plus qu'un assassin et qui allait mourir, sourit. « Ils se souviendront de moi, murmura-t-il. Je venge sur leur petit, notre petit à nous, le roi qui est au temple. » Chapitre 14. Limanus aussi s'évade. En cet instant-là, un grand bruit se fit. Le coffre, violemment poussé, s'effondra et livra passage à un homme qui se rebat dans la salle, le sabre à la main. « C'est moi, Radoub, qui en veut ? Ça m'ennuie d'attendre. Je me ris, c'est égal. Je viens toujours d'en éventrer un. Maintenant, je vous attaque tous. Qu'on me suive ou qu'on ne me suive pas, me voilà, combien êtes-vous ? » C'était Radoub, en effet, et il était seul. Après le massacre que Limanus venait de faire dans l'escalier, Gauvin, redoutant quelques fougasses masquées, avait fait replier ses hommes et se concertait avec Simourdin. Radoub, le sabre à la main sur le seuil, dans cette obscurité où la torche, presque éteinte, jetait à peine une lueur, répéta sa question. « Je suis un, combien êtes-vous » N'entendant rien, il avança. Un de ces jets de clarté qui exhalent par instant les foyers agonisants, et qu'on pouvait appeler des sanglots de lumière, jaillit de la torche et illumina toute la salle. Radoub avisa un des petits miroirs accrochés au mur, s'en approcha, regarda sa face ensanglantée et son oreille pendante et dit « Démantibulage hideux !» Puis il se retourna, stupéfait de voir la salle vide. « Il n'y a personne » s'écria-t-il. « Zéro d'effectif !» Il aperçut la pierre qui avait tourné, l'ouverture et l'escalier. « Ah, je comprends, clé des champs ! Venez donc tous, camarades, venez ! Ils s'en sont allés, ils ont filé, fusé, fouiné, fichu de camp ! Cette cruche de vieille tour était fêlée ! Voici le trou par où ils ont passé, canailles ! Comment veut-on qu'on vienne à bout de pites et gobours avec des farces comme ça ? C'est le bon dieu du diable qui est venu à leur secours, il n'y a plus personne !» Un coup de pistolet partit. Une balle lui effleura le coude et s'aplatit contre le mur. « Mais si, il y a quelqu'un ! Qui est-ce qui a la bonté de me faire cette politesse ?»« Moi !» dit une voix. Radoub avança la tête et distingua dans le clair-obscur quelque chose qui était Limanus. « Ah ! Cria-t-il, j'en tiens un ! Les autres se sont échappés, mais toi, tu n'échapperas pas. Crois-tu ? » répondit Limanus. Radoub fit un pas et s'arrêta. « Hé, l'homme qui est par terre, qui es-tu ? Je suis celui qui est par terre et qui se moque de ceux qui sont debout. Qu'est-ce que tu as dans ta main droite ? Un pistolet. Et dans ta main gauche ? Mes boyaux. Je te fais prisonnier. Je t'en défie. » Et Limanus, se penchant sur la mèche en combustion, soufflant son dernier soupir sur l'incendie, expira. Quelques instants après, Gauvin et Simourdin et tous étaient dans la salle. Tous virent l'ouverture, on fouilla les recoins, on sonda l'escalier. Il aboutissait à une sortie dans le ravin. On constata l'évasion. On secoua Limanus, il était mort. Gauvin, une lanterne à la main, examina la pierre qui avait donné issue aux assiégés. Il avait entendu parler de cette pierre tournante, mais lui aussi tenait cette légende pour une fable. Tout en considérant la pierre, il aperçut quelque chose qui était écrit au crayon. Il approcha la lanterne et lut ceci. « Au revoir, monsieur le vicomte. Lantenac. » Guéchamp avait rejoint Gauvin. La poursuite était évidemment inutile. La fuite était consommée et complète. Les évadés avaient pour eux tout le pays, le buisson, le ravin, le taillis, l'habitant. Ils étaient sans doute déjà bien loin. Nul moyen de le retrouver. Et la forêt de fougères tout entière était une immense cachette. Que faire ? Tout était à recommencer. Gauvin et Guéchamp échangeaient leur désappointement et leur conjoncture. Simourdin écoutait, grave, sans dire une parole. « À propos, Guéchamp, dit Gauvin, et l'échelle ? Commandant, elle n'est pas arrivée. Mais pourtant, nous avons vu venir une voiture escortée par des gendarmes. » Guéchamp répondit. « Elle n'apportait pas l'échelle. Qu'est-ce donc qu'elle apportait ? La guillotine, dit Simourdin. » Chapitre 15. Ne pas mettre dans la même poche une montre et une clé. Le marquis de Lantenac n'était pas si loin qu'il le croyait. Il n'en était pas moins entièrement en sûreté et hors de leur atteinte. Il avait suivi Almalo. L'escalier par où Almalo et lui étaient descendus, à la suite des autres fugitifs, se terminait tout près du ravin et des jarches du pont, par un étroit couloir voûté. Ce couloir s'ouvrait sur une profonde fissure naturelle du sol, qui d'un côté aboutissait au ravin et de l'autre à la forêt. Cette fissure, absolument dérobée au regard, serpentait sous des végétations impénétrables. Impossible de reprendre là un homme. Un évadé, une fois parvenu dans cette fissure, n'avait plus qu'à faire une fuite de couleuvres et était introuvable. L'entrée du couloir secret de l'escalier était tellement obstruée de ronces que les constructeurs du passage souterrain avaient considéré comme inutile de la fermer autrement. Le Marty n'avait plus maintenant qu'à s'en aller. Il n'avait pas à s'inquiéter d'un déguisement. Depuis son arrivée en Bretagne, il n'avait pas quitté ses habits de paysan, se jugeant plus grand seigneur ainsi. Il s'était borné à ôter son épée, dont il avait débouclé et jeté le ceinturon. Quand Almalo et le Marquis débouchèrent du couloir dans la fissure, les cinq autres, Guinoiseau, Wassenaar Branche d'Or, Brin d'Amour, Châtenay et l'abbé Turbot, n'y étaient déjà plus. « Ils n'ont pas été longtemps à prendre leur volée, » dit Almalo. « Fais comme eux, » dit le Marquis. « Monseigneur veut que je le quitte ?»« Sans doute, je te l'ai dit déjà, on ne s'évade bien que seul. Où un passe, deux ne passent pas. Ensemble, nous appellerions l'attention. Tu me ferais prendre et je te ferais prendre. Monseigneur connaît le pays ?»« Oui. » Monseigneur maintient le rendez-vous à la pierre Gauvaine demain, à midi. J'y serai, nous y serons. » Almalo s'interrompit. Ah, Monseigneur, quand je pense que nous avons été en pleine mer, que nous étions seuls et que je voulais vous tuer, que vous étiez Monseigneur, que vous pouviez me le dire et que vous ne me l'avez pas dit, quel homme vous êtes ? Le Marquis reprit. L'Angleterre, il n'y a plus d'autres ressources. Il faut que dans 15 jours les Anglais soient en France. J'aurai bien des comptes à rendre à Monseigneur, j'ai fait ses commissions. Nous parlerons de tout cela demain. « À demain, Monseigneur. À propos, as-tu faim ?»« Peut-être, Monseigneur. J'étais si pressé d'arriver que je ne sais pas si j'ai mangé aujourd'hui. » Le Marquis tira de sa poche une tablette de chocolat, la cassa en deux, en donna une moitié à Almalo et se mit à manger l'autre. « Monseigneur, dit Almalo, à votre droite, c'est le ravin. À votre gauche, c'est la forêt. C'est bien, laisse-moi. Va de ton côté. » Almalo obéit. Il s'enfonça dans l'obscurité. On entendit un bruit de broussailles froissées, puis plus rien. Au bout de quelques secondes, il lui était impossible de ressaisir sa trace. Cette terre du bocage, hérissée et inextricable, était l'auxiliaire du fugitif. On ne disparaissait pas, on s'évanouissait. C'est cette facilité des dispersions rapides qui faisait hésiter nos armées devant cette Vendée toujours reculante et devant ces combattants si formidablement fuyards. Le Marquis demeura immobile. Il était de ces hommes qui s'efforcent de ne rien éprouver. Mais il ne put se soustraire à l'émotion de respirer l'air libre, après avoir respiré tant de sang et de carnage. Se sentir complètement sauvé, après avoir été complètement perdu, après la tombe vue de si près, prendre possession de la pleine sécurité, sortir de la mort et rentrer dans la vie, c'était là, même pour un homme comme Lantenac, une secousse. Et bien qu'il en eût déjà traversé de pareil, il ne put soustraire son âme imperturbable à un ébranlement de quelques instants. Il s'avoua à lui-même qu'il était content. Il dompta vite ce mouvement, qui ressemblait presque à de la joie. Il tira sa montre, et la fit sonner. Quelle heure était-il ? À son grand étonnement, il n'était que 10 heures. Quand on vient de subir une de ces péripéties de la vie humaine, où tout a été mis en question, on est toujours stupéfait que des minutes si pleines ne soient pas plus longues que les autres. Le coup de canon d'avertissement avait été tiré un peu avant le coucher du soleil, et la tourgue avait été abordée par la colonne d'attaque une demi-heure après, entre 7 et 8 heures, à la nuit tombante. Ainsi, ce colossal combat, commencé à 8 heures, était fini à 10. Toute cette épopée avait duré 120 minutes. Quelquefois, une rapidité d'éclair est mêlée aux catastrophes. Les événements ont des raccourcis surprenants. En y réfléchissant, c'est le contraire qui eût pu étonner. Une résistance de 2 heures d'un si petit nombre contre un si grand nombre était extraordinaire. Et certes, elle n'avait pas été courte, ni tout de suite finie, cette bataille de 19 contre 4000. Cependant, il était temps de s'en aller. Almalo devait être loin, et le marquis jugea qu'il n'était pas nécessaire de rester là plus longtemps. Il remit sa montre dans sa veste, non dans la même poche, car il venait de remarquer qu'elle y était en contact avec la clé de la porte de fer qui lui avait rapporté des Manus, et que le verre de sa montre pouvait se briser contre cette clé. Et il se disposa à gagner à son tour la forêt. Comme il allait prendre à gauche, il lui sembla qu'une sorte de rayon vague pénétrait jusqu'à lui. Il se retourna, et à travers des broussailles, nettement découpées sur un fond rouge, devenues tout à coup visibles dans leurs moindres détails, il aperçut une grande lueur dans le ravin. Il y marcha, puis se ravisa, trouvant inutile de s'exposer à cette clarté, quelle qu'elle fût. Ce n'était pas son affaire, après tout. Il reprit la direction que lui avait montrée Almalo et fit quelques pas vers la forêt. Tout à coup, profondément enfoui et caché sous les ronces, il entendit sur sa tête un cri terrible. Ce cri semblait partir du rebord même du plateau, au-dessus du ravin. Le marquis leva les yeux et s'arrêta. Fin de la section 15.